Bienvenue sur Objectif Croissance, l'émission qui met en lumière les entrepreneurs. Aujourd'hui, Bourgogne-Franche-Comté Numérique, le cluster numérique régional qui fédère et anime le réseau des professionnels du numérique, vous propose de découvrir une start-upeuse et son entreprise. Donc ça va être l'occasion de découvrir comment innover et oser se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Bonjour Audrey Chaillet. Bonjour. Alors, vous représentez l'entreprise qui s'appelle Vitavinum. Alors, que fait Vitavinum ? Alors, Vitavinum, c'est une agence digitale et un bureau d'études dédié à la filière vitivinicole. En fait, nous créons des solutions digitales et intelligentes pour les professionnels de la filière vitivinicole, à base notamment d'algorithmes, de reconnaissance d'images ou de cartographie. Alors là, je crois qu'il y a beaucoup de gros mots. On va essayer de décrypter tout ça, parce que algorithmes et tout. Si on vient sur l'entreprise, comment elle a démarré cette idée d'entreprise ? Parce que elle est là, je crois, bientôt 4 ans. Tout à fait. Le projet est né en 2014-2015. L'idée de base, en fait, c'était de se dire qu'il y avait beaucoup de données vitivinicoles qui existaient, mais que ces données étaient peu accessibles et surtout peu numérisées. Et qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on pouvait justement utiliser ces données et en faire beaucoup de choses. Donc, alors, on peut prendre un exemple déjà, parce que données, c'est très nuageux, on va dire. Tout à fait. Alors, par exemple, on a beaucoup de données sur les parcelles où elles sont situées, leur type de le terroir, l'appellation. Le climat, le cépage, voilà. On a également beaucoup de données sur qui produit quoi, comment, et également sur comment associer, par exemple, un bon vin avec un bon plat, pourquoi associer, à quel moment boire son vin. Voilà, toutes ces données existent déjà dans la nature. D'accord. Et donc, avec mon associé, on venait du milieu du vin et on s'est dit qu'aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, on pouvait créer des solutions intelligentes pour permettre que choisir son vin, par exemple, soit aussi simple que le déguster. On n'a pas besoin d'avoir fait 5 ans d'œnologie pour pouvoir choisir le meilleur vin. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple de solution que vous proposez ou de produit qu'on trouve quelque part et dans lequel il y a du Vitavinum ? Voilà. Alors, notre premier produit, on l'appelle MyVinum. C'est un assistant virtuel pour aider les consommateurs à trouver leur vin, le vin qu'il leur faut. Donc, on fait matcher automatiquement un vin avec une occasion. Alors, une occasion, c'est quoi ? C'est par exemple, je veux offrir un vin à un ami ou je prépare un dîner pour mon conjoint ce soir. Quel vin il me faut. Et donc l'objectif, c'est automatiquement, à partir de la gamme d'une enseigne, de pouvoir proposer le vin dans le rayon qui est adapté à mon occasion. Là, c'est un peu la période de la foire des vins, donc on vous retrouve dans certains rayons dans les foires des vins, justement. Voilà. Il y a une tablette et les gens peuvent choisir, c'est ça ? Exactement. Le but, en fait, c'est d'être directement là où le consommateur choisit son vin. Donc, on va être présent, on est en lancement sur différentes enseignes partenaires en Bourgogne-Franche-Comté. Le but, c'est voilà, un iPad, imaginez un iPad directement dans le rayon et en moins de 20 secondes, vous indiquez pourquoi vous recherchez du vin, donc des questions simples qui parlent à tout le monde. Et nous, automatiquement, on vous renseigne sur le vin qui est en rayon, donc qui est en stock et qui convient à votre occasion de dégustation. Est-ce qu'on vous trouve aussi dans certaines caves ? On a pas mal de caves découvertes ou de lieux où on peut découvrir du vin parce qu'on est en Bourgogne. Voilà, alors on a une autre activité, c'est de la prestation sur mesure pour les producteurs notamment. Et donc là, les producteurs, ils nous sollicitent en fonction de leur environnement, du caveau, s'ils ont un musée, une visite, pour digitaliser ce qu'on appelle leur point de vente et proposer une nouvelle expérience. Donc, on va bientôt proposer notamment des fiches de dégustation digitales, des routes des vins digitalisées ou même également des fiches de vin en réalité augmentée. Imaginez, vous utilisez votre smartphone, vous passez la fonction caméra devant une étiquette et là, automatiquement, vous avez les informations qui arrivent sans rien faire, sans clic. Voilà. Et toutes ces données, vous les récupérez d'où ? Elles sont ce qu'on appelle en open data ? Elles sont avec qui on traite pour avoir toutes ces données ? Alors, il y a différents types de données. Il y a des données réglementaires. Donc là, on les trouve, oui, en effet, sur Internet, assez facilement, puisque ce sont des données publiques. On a des données scientifiques. Donc là, c'est le travail de mon associé qui est docteur en œnologie, où lui, il lit toutes les publications que font les chercheurs et après, il essaie de sortir les informations pertinentes. D'accord. Et il y a beaucoup d'ouvrages papier. Alors là, il n'y a pas de solution miracle, hein, c'est du traitement manuel. On lit les ouvrages et après, on extrait les données pertinentes. Voilà. D'accord, bah c'est très bien. Je trouve que c'est brillamment illustré, mais vous êtes combien pour faire tout ça ? Alors, au début de ce projet, on est 6 associés. Mmh. Donc, on a 2 personnes qui ont une expertise 20 et 4 personnes qui ont l'expertise digitale, donc gestion de base de données, algorithme, cartographie. Et évidemment, compte tenu du développement, on a pu embaucher 3 personnes pour renforcer l'équipe, donc notamment sur la partie graphisme et développement web. Donc, si je comprends bien, le métier, c'est le 20, voilà. Mais derrière, c'est beaucoup de numérique ou de digital, comme on dit. Exactement. Et derrière, il faut beaucoup de compétences. Exactement. Le but, c'est notre différenciation, c'est de pouvoir apporter notre connaissance du secteur qui est quand même assez particulier, le secteur vitivinicole. Et nous recherchons les nouvelles technologies qui sont les plus pertinentes. Nous sommes toujours dans le rendez-vous Objectif Croissance avec Audrey Chaillet de Vitavinum. Alors maintenant, on voudrait en savoir un peu plus sur vous. Comment ça a démarré tout ça et d'où vous venez ? Alors, initialement, le projet est né d'un Startup Weekend. Un Startup Weekend qui était organisé à l'École de commerce de Dijon. L'objectif, c'était de développer un projet d'entreprise en 48 heures. À cette époque-là, j'étais en poste, je travaillais pour le groupe Boissé en tant que coordinatrice des domaines viticoles et j'avais envie un petit peu de me challenger intellectuellement. Donc, on a proposé une idée avec mon associé, pas dans le but de développer une entreprise, mais en disant, tiens, c'est sympathique. Comme ça, pour le week-end, on va avoir une idée. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comment c'est devenu une entreprise? Eh bien, à l'issue du Startup Weekend, on l'a gagné. Et le prix, c'était une incubation au sein de l'incubateur régional de Bourgogne, Prémis. Alors, juste pour nous, un incubateur, c'est quoi ? Alors, un incubateur, c'est une structure qui aide les porteurs de projets à développer leur idée, à mûrir leur idée, leur projet, et en faire une entreprise viable avec un produit qui puisse être commercialisable. D'accord. Et on fait ça en parallèle de son job ou comment on fait ? Alors là, c'est le choix de chacun. Et souvent, la question financière est la première. Nous, on a décidé donc, que mon associé terminait sa thèse et donc il allait être à plein temps à l'issue de son doctorat. Et moi, de mon côté, on n'avait pas encore les moyens de pouvoir rémunérer 2 personnes. Donc j'ai continué mon activité et le soir et le week-end, j'aidais au développement du projet. Voilà, ça prend quand même pas mal de temps. Ça prend du temps et surtout qu'on n'avance pas très vite quand on travaille. Et on découvre après très vite le monde de ce montage de projet, de financement, de financeurs, de tout ça, non? Exactement, parce qu'un projet d'entreprise, avant tout, ça se finance. Et donc là, il faut en effet regarder toutes les possibilités de financement. Donc évidemment, il y a les prêts bancaires. Mais en Bourgogne-Franche-Comté, en France, on a quand même la chance d'avoir différents dispositifs qui nous aident à développer des entreprises. Et donc là, on a un parcours à suivre pour aller voir tous les organismes qui aident à la création d'entreprises. Et là, c'est plus ou moins facile. On trouve tout sur la région ou il faut aller voir ailleurs? Comment ça se passe un petit peu? Alors, avec l'incubateur, on est quand même orienté. On a des premières pistes, mais il faut quand même aller voir chaque financeur, se présenter le projet, et après il y a tout un dossier, parce qu'on est en France, donc on aime bien la gestion, la paperasse, et donc là il faut monter le dossier, faire un business plan, montrer en quoi l'entreprise elle peut se développer. Donc là c'est quand même un parcours du combattant et il faut prendre après le corps les dossiers. Voilà, mais aujourd'hui ça marche, vous avez déjà des clients? Alors aujourd'hui donc nous on a décidé de déposer les statuts un peu plus tard. Donc on est dans notre premier exercice fiscal et aujourd'hui on a dépassé notre objectif de chiffre d'affaires, on a plus de clients que prévu et des embauches plus vite que prévu, voilà, donc on est très content. Ça c'est super. Alors petit focus, moi j'ai vu que vous étiez très souvent présent sur des salons, sur des choses à l'étranger, mais ça coûte très cher, alors comment vous faites pour y arriver ? Alors, on a la chance d'être entouré par différents clusters, notamment BFC Numérique, qui nous aident justement au niveau de l'organisation et aussi parfois au niveau du financement à pouvoir accéder à ces salons. Nous, on a un objectif de pouvoir nous étendre en Europe assez rapidement. Donc, on a cherché à être présent pour se faire connaître. Et on a également cherché aussi on a répondu à des concours et des appels à projets. Alors, vos prochaines présences à l'étranger, c'est où ? Alors, la prochaine, c'est le Web Summit, c'est à Lisbonne. Et donc là, on a répondu à un concours de start-up. Donc, on y va au sein de la délégation BFC Numérique, mais on aura la chance d'avoir un stand pendant une journée à Lisbonne pour présenter nos solutions à l'échelle européenne. D'accord. Et autres terres de vin, puisqu'on a aussi... Et autres terres de vin, évidemment. Voilà, le Porto, il y a pas mal de choses et toute cette vallée. Le Portugal, Alors, au fait, je voulais signaler quelque chose. On parle beaucoup de vin, mais c'est à consommer, bien évidemment, avec modération. J'avais oublié de le dire, mais c'est important aussi. On arrive bientôt à la fin, mais si c'était à refaire, est-ce que vous referiez pareil ou... Je pense que nous prendrions le même chemin, mais peut-être nous essayerons, nous aurions en projet d'embaucher un peu plus vite, parce qu'on n'est pas des surhommes, et c'est pas évident au début de tout gérer, à deux ou même à un et demi. Donc, je rappelle qu'on recevait Audrey Chaillet de Vitavinum. Donc, si on veut vous retrouver, c'est sur Internet, on tape Vitavinum et on va vous retrouver. Ensuite, toutes ces chroniques, vous allez pouvoir les retrouver sur le site et avoir des informations sur ce fameux cluster dont on vous parle, donc Bourgogne-Franche-Comté numérique, sur le site internet, donc directement sur bfcnumérique.fr. Là-dessus, vous aurez toutes les informations. N'hésitez pas à participer. Il y a beaucoup d'activités aussi dans Bourgogne-Franche-Comté numérique. Regardez un peu l'agenda. Vous allez retrouver, vous allez recroiser tous ces start-upers et pouvoir échanger directement avec eux. Ça, je pense que c'est important aussi. Je pense que c'est ce mode réseau des clusters, c'est quelque chose que vous avez apprécié? Tout à fait, ça nous aide à nous développer, à nous connaître et nous mettre en réseau. Dernière petite question, on trouve facilement les bons profils à embaucher ou c'est compliqué? C'est compliqué, surtout au niveau numérique, ce sont des talents que tout le monde recherche, et donc c'est vrai que c'est assez compliqué, mais on ne désespère pas. D'accord, merci beaucoup Audrey Chaillet, Vitavinum, et je répète le site internet bfcnumérique.fr. Merci beaucoup. Merci.